Ok. Si, si. Vas-y, envoie la prod. Ok. Jeune du quartier, envie de se voir des fautes et des billets. Y'en a marronné. Des soldats, tous des rêveurs. On se boit tous pour les meilleurs. Le temps presse, laisse la place, on veut tous avancer. Juste pour annoncer les dégâts au passage. Et tous on a la rage, la route est longue. On cherche tous les meilleurs, sûr et certain, elle est à venir sur le chemin. J'aurai les mains sales, tous on est hall. Et tous ensemble on fera une poigne de révolution. Tous en parallèle, on marche droit vers l'évolution. La charge de pied est vert et tout ouvert depuis le début. Et nous on débute, la concurrence règne. On veut tous marquer des buts. Et quand t'attends la guerre c'est la haine. Et quand t'attends tout et ma succile c'est la mienne. C'est violent, les violents s'y en dans mon élément tranquillement. Laisse-moi stopper le temps. L'histoire ne fait que commencer, je suis pas le commando. Tous on a les gros, tous c'est gros mais pas le même niveau. C'est violent, les violents s'y en dans mon élément tranquillement. Laisse-moi stopper le temps. L'histoire ne fait que commencer, je suis pas le commando. Tous on a les gros, tous c'est gros mais pas le même niveau. J'évite la S avec mon savoir. Ça rappe dans la tête et ça compte les heures. J'envoie discrètement des poils de rime qu'atterrit sur les mauvais bonhommes. J'ai l'art de la hurle, l'art de l'époque de McGregor. C'est de la tuerie, j'avertis les MC qu'ils ont eu tort que j'ai. Une héritage au mic et le fait qu'ils voient avec. Si jamais t'es pas content, vite ton compte en banque. Et appelle-moi que je puisse régler ton compte mec. Ici ça rappe sec, le test nous trompe. Certains font du rap sans savoir où on frappe la porte. Moi non plus je sais pas où c'est que j'ai frappé. Moi je m'ai tracé. Je suis qu'un jeune immigré. Voilà la réalité. La foi, la force, je la garde pour un disque d'or. Moi m'taro rompu dans la seule pleine niquée. C'est violent, les violents s'y en dans mon élément tranquillement. Laisse-moi stopper le temps. L'histoire ne fait que commencer, je suis pas le commando. Tous on a les gros, tous c'est gros mais pas le même niveau. C'est violent, les violents s'y en dans mon élément tranquillement. Laisse-moi stopper le temps. L'histoire ne fait que commencer, je suis pas le commando. Tous on a les gros, tous c'est gros mais pas le même niveau. Toi-même tu sais, l'héritage de ton pays. Toujours utile, accessible, disponible sur ma disposition. Cool, ben j'ai qu'une seule mission. Et celle qui m'en tiendra mon main l'œuvre. Un jour, ma finalité, je le vois dire. Ici, je fais pas semblant, je fais pas tant d'heureux. J'ai le démon furieux, impossible de quitter mon jeu. Fougueux, j'avais qu'à des misères vers le but. Les bâtards, j'ai le même enjeu. Ils sont tellement curieux, dans mon prétentieux. Ma voix de descente, prête à tout baisser, c'est sérieux. Je me guérisse de ce putain de micro. J'ai un putain de niveau. A faut déguérir, j'ai un peu de folie. Ils font jusqu'à la compétence m'envahir. Va me faire se grandir. En même temps mes poches grossissent. Ils font jusqu'à la compétence m'envahir. Continue ainsi, car l'histoire n'est pas encore finie. C'est violent, les violents s'y en dans mon élément tranquillement. Laisse-moi stopper le temps. L'histoire ne fait que commencer, je suis pas le commando. Tous on a les gros, tous c'est gros mais pas le même niveau. C'est violent, les violents s'y en dans mon élément tranquillement. Laisse-moi stopper le temps. L'histoire ne fait que commencer, je suis pas le commando. Tous on a les gros, tous c'est gros mais pas le même niveau.